Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver le matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez à l'instant, merci de commencer cette journée du mercredi 20 avril 2016 avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Depuis lundi, notre tête chercheuse, l'historien d'art Frédéric Helsig, professeur d'art médiéval à l'Université de Genève, nous parle de Jérôme Bosch et de la nécessité de contextualiser son œuvre. Dans un instant, le troisième épisode. Et comme tous les mercredis, on parlera cinéma en deuxième partie de l'émission et je serai avec Tamara Herd, réalisatrice du documentaire This is My Land, qui sort aujourd'hui au cinéma. Chercheuse, dans l'atelier de Jérôme Bosch avec Frédéric Helsig. Troisième épisode, les dessins de Jérôme Bosch. Bonjour Frédéric Helsig. Bonjour. Alors, les dessins de Jérôme Bosch sont-ils particuliers ? Faut-il avoir, est-ce que vous posez un regard d'historien de l'art et même un regard critique différent ? Oui, alors Jérôme Bosch a vécu véritablement dans un moment charnière pour le statut du dessin. Il existe naturellement des dessins des époques antérieures, on a des dessins qui remontent parfois très loin, mais autour de 1500 se produit quelque chose de tout à fait remarquable. C'est-à-dire que les peintres, non seulement vont produire des dessins préparatoires, c'est-à-dire vraiment des dessins destinés à leur propre étude, à leur propre usage, un motif qui sera en quelque sorte utilisé dans une peinture ou une composition et ainsi de suite. À côté de cette production, ils vont commencer à produire des dessins qui sont conçus comme des œuvres d'art autonomes, qui seront signées et qui sont destinés à circuler parmi les collectionneurs. Et donc nous aurons les premiers collectionneurs de dessins autour de 1500, parmi lesquels précisément la clientèle de Jérôme Bosch, la cour habsbourgeoise de Bruxelles. Alors, on va prendre deux dessins de Jérôme Bosch pour continuer notre série consacrée à la contextualisation des œuvres de Jérôme Bosch. Premier dessin. Oui, je vous propose de regarder un premier dessin qui est tout à fait remarquable, une feuille conservée à l'Albertina de Vienne et qu'on appelle tout simplement l'homme-arbre. De quoi s'agit-il ? Nous voyons un très beau paysage qui est exécuté avec une grande minutie. Quelques animaux au premier plan, un village à l'horizon. Je vous disais tout à l'heure que le dessin était conçu comme une œuvre autonome et donc il est fini dans ses moindres détails parce que ça n'est précisément pas une feuille d'étude, c'est une feuille destinée à un collectionneur. Or, au milieu de ce paysage, surgit un monstre, moitié homme, moitié arbre, dont le corps est constitué par un tronc noueux, dont les jambes sont constituées par deux troncs placés au-dessus de barques de manière précaire, et on voit donc qu'il est en équilibre instable, dont le ventre, ou plutôt l'ensemble du corps, comporte une cavité dans laquelle se trouvent plusieurs figures attablées, et enfin dont la tête est cette fois bien humaine, c'est un visage qui nous regarde et qui porte en guise de chapeau une cruche d'où sort une échelle avec encore d'autres motifs, notamment des figures humaines et des animaux de plus petite échelle. C'est un motif que l'on a trouvé identique hier dans le triptyque du Jardin des Délices et plus précisément dans le volet droit consacré à l'enfer, quand je vous disais que Bosch avait représenté son autoportrait sous la forme d'un homme arbre qui en même temps était une sorte d'autoportrait psychologique puisqu'il se montrait comme un obsédé sexuel avec des motifs qui ont trait à la luxure. On retrouve exactement le même motif ici puisque la cruche est l'un des emblèmes les plus récurrents à l'époque de Bosch pour parler du sexe féminin. Et donc c'est ce qui se trouve précisément placé sur la tête de cet homme arbre. Donc, véritablement un dessin singulier dont le sujet est totalement nouveau et ne peut pas être reproduit et qui ne peut être que destiné à l'intimité d'un collectionneur avec lequel le peintre est suffisamment familier. Pourquoi pas Henri de Nassau, le commanditaire du triptyque du Jardin des Délices, qui pourrait avoir, en plus de ce triptyque, reçu quelques feuilles dont cet homme arbre de Vienne. Alors ce dessin, bien sûr, vous pouvez le retrouver à la page de l'émission Un autre jour est possible en passant par franceculture.fr. Mais qu'est-ce qui vous laisse croire, Frédéric Elsig, que ce dessin a été fait par Bosch? Qu'est-ce qui vous pousse à l'attribuer à Bosch? Parce que ça aurait pu être aussi une manière de rendre hommage au tableau dont il était question hier, c'est-à-dire le Jardin des Délices, une forme d'hommage à Bosch. Oui, alors effectivement, là nous sommes également dans une problématique analogue à celle que nous avons évoquée hier, c'est-à-dire la question de l'attribution à partir d'œuvres qui sont soit signées, soit documentées. Dans le cas de la peinture, le Jardin des Délices a pu être attribué à la main de Bosch grâce au jugement dernier, documenté comme une œuvre commandée à Bosch lui-même. Dans le cas de ce dessin, vous avez raison de souligner qu'il ne porte aucune signature. Il y a une inscription apocryphe dans l'angle inférieur gauche de la feuille, le nom de Bruegel, qui est le peintre qui a suivi Bosch, beaucoup plus jeune, qui travaille au milieu du XVIe siècle et qu'on a appelé de son vivant le nouveau Bosch, parce qu'il a travaillé à un moment où les œuvres de Bosch étaient extraordinairement recherchées sur le marché et a commencé sa carrière d'ailleurs en créant des faux à partir du répertoire boschien. Et donc, très souvent, les œuvres de ce répertoire ont porté l'attribution de Bruegel. C'est le cas de cette feuille qu'un collectionneur tardif a dû considérée comme une œuvre de Bruegel et a posé le nom de Bruegel. Le problème, c'est que cette inscription apocryphe, naturellement, n'est pas tout à fait conforme à la réalité et que lorsque l'on regarde le style de dessin, il est extraordinairement proche, même superposable, à celui que l'on trouve dans une deuxième feuille dont nous allons parler dans un instant, qui, elle, porte la signature de Bosch. Et donc nous avons un dessin signé qui, là aussi, comme le jugement dernier de Vienne, sert de référence pour attribuer d'autres dessins à la main du peintre. Alors cet autre dessin est intitulé de manière conventionnelle « Le champ a des yeux, la forêt des oreilles ». Parfois vous le verrez dans la littérature aussi comme « La terre a des yeux, la forêt des oreilles ». Dessin qu'on retrouve également à la page de l'émission « Un autre jour est possible voilà », en passant par franceculture.fr. On voit bien donc la signature. Et c'est une feuille naturellement très étrange. Le titre qu'on lui a donné est très littéral, c'est-à-dire il décrit littéralement ce que l'on voit. Et que voit-on? Au centre, une chouette dans le creux d'un arbre mort. entouré par des oiseaux diurnes. C'est un emblème assez traditionnel que le contraste entre un oiseau nocturne et des oiseaux diurnes, c'est l'emblème, à l'époque de Bosch, de la misanthropie, autrement dit de la mélancolie, c'est-à-dire un tempérament ou caractère que l'on associe volontiers aux artistes autour de 1500. Et il est intéressant de le relever. Nous voyons également une forêt dont se détache cet arbre, mais une forêt particulière puisqu'elle est dotée d'une paire d'oreilles, ce qui est pour le moins étonnant. Puis une terre sur laquelle se trouvent plusieurs yeux qui semblent nous regarder. Là aussi, la feuille a suscité de nombreux commentaires qui se sont portés sur tous les champs possibles, astrologiques, alchimiques, là aussi, en cherchant à décrypter l'ésotérisme, jusqu'au moment où on s'est aperçu que ce n'était qu'un rébus. Un rébus qui nous dit « air », c'est-à-dire en néerlandais « oreille »,« air »,« augen », c'est-à-dire « les yeux », Bosch, c'est-à-dire la forêt, c'est-à-dire Erhogenbosch, c'est phonétiquement très proche de S-Hertogenbosch. En néerlandais, c'est la traduction de Bois-le-Duc, c'est-à-dire la ville dans laquelle a travaillé Jérôme Bosch, dont, nous l'avons dit dans le premier épisode, il a tiré son surnom, Bosch, précisément de sa ville d'origine, à partir du moment où il travaille pour une clientèle hors de cette ville, et en particulier la clientèle bruxelloise, la cour des Habsbourg. Donc nous avons véritablement une signature cryptée, et en même temps un autoportrait emblématique et psychologique, puisqu'il se montre comme un misanthrope, qui est encore accompagné d'inscriptions. Dans la partie inférieure, une signature, Jérôme Bosch, mais dont on n'est pas sûr qu'elle ait été réalisée au moment même de l'exécution de la feuille. Et surtout dans la partie supérieure, une phrase très étrange qui nous dit « Malheureux celui qui ne fait qu'imiter et ne produit pas ses inventions propres ». Autrement dit, un plaidoyer pour l'originalité artistique qui est un adage attribué à ce moment-là à Boès, mais qui en réalité aujourd'hui est considéré comme le pseudo-Boès, enfin qu'importe, un adage du XIIIe siècle qu'avaient utilisé également Léonard de Vinci et Albert Dürer, c'est-à-dire les plus grands contemporains de Jérôme Bosch, qui eux aussi répondaient au goût des cours pour l'originalité artistique, pour l'énigme, pour le rébus. Léonard de Vinci, presque quotidiennement à la cour de Milan, produisait des rébus pour amuser le prince, pour amuser le duc Ludovic le Mort de Sforza. Et donc, nous sommes dans la même logique. Bosch crée des rébus pour amuser sa clientèle qui est éprise à la fois de nouveautés et d'énigmes, de mystères et ainsi de suite. Mais pas seulement, ça pourrait être aussi une réponse à ceux qui imitaient ses œuvres. Enfin, le champ des possibilités est très large aujourd'hui. Alors, évidemment, on pourrait imaginer avoir toute une série d'imitateurs qui créent ce type de rébus. En réalité, nous avons affaire à un phénomène très différent. Alors que dans la cour, on joue beaucoup sur la singularité, nous sommes dans une dimension très rhétorique à la cour. Les intellectuels de cour sont ce qu'on appelle des rhétoriqueurs, c'est-à-dire qui font primer l'invention singulière. Et il est intéressant de noter que les peintres qui travaillent pour les cours créent des sujets uniques, singuliers. Alors que tous ceux qui ont produit des imitations, les suiveurs, les imitateurs, qui répondent à la demande justement induite par la cour, ne vont pas aller dans le sens de la singularité. Au contraire, ils reproduisent, multiplient toujours une même invention et vont créer un aspect pratiquement sériel. C'est pour cette raison que c'est inimaginable de concevoir un dessin de ce type hors du contexte de la cour, d'un contexte très exigeant sur le plan également intellectuel. Est-ce qu'à partir de là, on peut aussi parler d'un style, de définir le style Bosch ? Oui, je pense que de la même manière que les deux œuvres dont nous avons parlé hier et avant-hier, ce dessin est absolument emblématique du style Bosch, dans le sens où il fait primer une invention totalement singulière et déroutante. Il est vrai que les contemporains ne comprenaient pas tous la signification des œuvres de Bosch. Et là, c'est peut-être effectivement un élément qu'il faut souligner ici, parce qu'on a le sentiment que pour comprendre une œuvre, il faut non seulement la replacer dans un contexte, mais il faut avoir des témoignages de l'époque. Or, les témoignages de l'époque de Bosch, il y en a très peu, mais nous avons notamment un témoignage qui date d'une année après la mort de Bosch, celui du secrétaire du cardinal d'Aragon, Antonio de Beatis, qui visite le palais de Nassau à Bruxelles, qui voit le triptyque du Jardin des Délices, c'est donc l'invention boschienne, et qui n'y comprend strictement rien. Il se borne à décrire ces figures qu'il trouve très bizarres, et il utilise le mot de « bizarrerie » pour parler de l'art de Bosch. Et donc, il est important de rappeler que c'est un milieu très fermé, très confidentiel, qui peut décrypter les rébus, c'est-à-dire c'est le milieu de la cour. Merci beaucoup Frédéric Helsig. Notre série consacrée à Jérôme Bosch continue demain, quatrième épisode. Merci. À demain. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité ce matin est la documentariste Tamara Herdé. Bonjour. Bonjour. Son dernier film, This is My Land, est à voir aujourd'hui dans quelques salles de cinéma. C'est un documentaire qui explore la manière dont l'histoire du conflit israélo-palestinien est enseignée aux Israéliens et aux Palestiniens à travers des interviews de différents enseignants filmés dans leur classe au cours de l'année 2013. Alors l'intérêt de ce documentaire est d'aller plus loin que de constater ce qu'on imaginait un peu, c'est-à-dire le gouffre qui sépare les deux lectures de l'histoire de la Palestine, mais il permet d'examiner les racines du conflit et expliquer sa longévité à partir de l'école et de la quasi-militarisation de l'enseignement. C'est ce que vous dites, Tamara Herdé, puisque les enfants qui ne se posent pas des questions, ce sont des enfants qui serviront soit à l'armée, soit au djihad, sans rechigner. C'est la conclusion de ce film pas très optimiste, mais très intéressant. Et pourtant, vous-même, Tamara Herdé, même si vous êtes franco-israélienne, vous avez été formée par le système éducatif israélien. Oui, tout à fait. Moi, j'ai grandi en Israël et j'étais formée complètement par le système éducatif israélien. Et j'ai pas, pareil, moi, j'ai pas trop douté, j'ai pas trop posé des questions. Et en fait, bizarrement, pour moi, c'était mon service militaire qui m'a servi comme une possibilité de commencer à poser des questions. Ça a été pendant les deuxièmes intifadas. C'était donc une période assez tendue. Et pour la première fois, j'ai vu des choses que j'ai jamais vues avant dans les médias ou dans l'école, justement. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas comme je pense ou comme j'imaginais. Et j'ai commencé un assez long chemin où j'ai commencé à lire sur l'histoire du point de vue palestinien, où j'ai commencé à aller rencontrer des Palestiniens, à aller dans les villes palestiniennes, etc. Et votre premier documentaire est un documentaire qui parle d'un massacre de Palestiniens en 1948, des Yassin, et qui ne figure pas, je suppose, dans l'histoire officielle telle qu'on l'enseigne en Israël. Oui, c'est un documentaire qui sort là-bas bientôt et qui est effectivement, ça c'est quelque chose qu'on n'en parle jamais ou encore même toutes les photos et les rapports sont enfermés par l'armée et qu'on n'a pas accès à, enfin c'est vraiment un sort de tabou. À quel moment vous vous êtes lancé dans cette quête d'aller à la rencontre des enseignants? Pour moi, en fait, vu que j'ai déjà travaillé pendant quelques temps sur les conflits israélo-palestiniens, soit par d'autres documentaires, soit par des courts-métrages de fiction, etc., en fait, à un moment donné, quand j'ai appris un tas de choses que je ne savais pas avant, je me suis dit, mais en fait, comment c'est possible que je ne savais pas du tout tout ça et que je n'étais pas était curieuse d'aller voir ça, alors qu'on a l'internet, alors que les informations sont quand même là. Et pour moi, la réponse a été l'éducation, parce que c'est pas juste qu'il y avait des choses manquantes ou des choses un peu traquées, c'est que surtout, mon éducation a servi à ce que je serais pas curieuse, à ce que j'irais pas chercher l'information, etc. Et j'ai voulu du coup voir si ça a changé depuis, et puis commencer vraiment du deux côtés. Et donc, quand vous dites des deux côtés, c'est-à-dire que vous avez fait une liste des écoles à filmer, une liste de professeurs d'histoire à interviewer. Comment, concrètement, vous avez construit ce documentaire, Tamara Herdé? Donc, en fait, la première étape, ça a été de rencontrer, effectivement, beaucoup de professeurs, des enseignants d'histoire, où ce qui m'a intéressé, ce sera à la fois qu'ils représentent trop de différents systèmes ou de différentes branches dans les systèmes officiels. Et puis aussi que ce seront quand même des professeurs qui essayent d'une manière ou une autre de poser des questions ou de douter ou de pas tout simplement copier ce qu'ils sont censés de dire par les ministères, etc. Donc il y aura quand même un certain conflit intérieur ou des questionnements qui se posent. Et du coup, j'ai vu pas mal de professeurs. Et après, j'ai dû avoir l'autorisation du ministère d'éducation pour les filmer. Là, ça a été un peu plus compliqué. J'ai pas pu avoir tout ça. Ouais, d'ailleurs, votre film commence avec ça, avec cette difficulté de faire parler les enseignants. C'est ça. Mais finalement, on les voit, ils sont présents dans votre film. Est-ce que vous avez pu avoir tous les enseignants que vous vouliez? Donc, en fait, non, du côté israélien, il y avait quand même certains enseignants qui étaient censurés. Et du coup, j'ai dû finalement, comme solution, et c'était surtout des enseignants du côté gauche, du coup, qui critiquaient un peu les programmes du ministère, du coup, où il n'y avait pas l'autorisation de les filmer. Mais j'ai voulu quand même donner, enfin, avoir aussi cette voix dans le film et pas juste les voix de droite. Et du coup, finalement, je me suis tournée vers les écoles privées qui sont, du coup, qui suivent le même programme et qui sont financées par les parents. Où le directeur de ces écoles-là a voulu prendre les risques et de me laisser filmer sans l'autorisation du ministère. Alors, le constat est assez accablant. Vous dites que c'est un enseignement où on prépare des deux côtés, parce que maintenant, il faut parler maintenant du côté palestinien, où on prépare les enfants à continuer la guerre. Oui, je pense que si on regarde les choses comme ils sont aujourd'hui, effectivement, l'éducation, il suit les politiques, il est juste derrière, et effectivement, il sert pour continuer les conflits et pour faire cette machine, que cette machine continue et avance. Par contre, en tout cas, moi, et je pense que je ne sors pas complètement pessimiste quand même de cette tournage et de la fabrication de cette film, parce que pour moi, ce que j'ai vu quand même qui m'a donné beaucoup d'espoir, c'est le pouvoir de l'éducation, et je pense qu'il a un pouvoir énorme. J'ai vu comment juste pendant une année scolaire, ces enfants, ils transforment complètement, ils changent leur façon de voir eux-mêmes, le monde, leurs amis, etc. Et je pense que si on arrivera à utiliser l'éducation d'une autre manière, d'une manière plus constructive et plus d'espoir, ça pourrait vraiment changer les choses, parce que ça a vraiment quand même un pouvoir qui est incroyable. Alors, ce qui est incroyable, c'est de voir qu'il y a plusieurs enseignements de l'histoire dans un pays qui, vu de France, est tout petit, hein, je veux dire, entre les écoles israéliennes, les écoles arabes israéliennes et les écoles palestiniennes. C'est très différent. Tout à fait. Et ça, en plus, on doit inclure les systèmes religieux israéliens qui est différent complètement du système laïque israélien, mais tous les deux sont des systèmes officiels gouvernementaux, mais où c'est des secteurs différents. Et effectivement, il y a presque quatre manières d'enseigner l'histoire, et dans chacune, bien sûr, il y a aussi des chemins différents. Alors justement, parlons-en, Tamara Herdé. C'est quoi la différence qu'il y a entre ces différentes écoles? Les différences majeures, je dirais, c'est où est-ce qu'on met le poids. Parce que bien sûr, dans l'école, les écoles religieuses, par exemple, l'idée sera de mettre le poids sur la religion. Et du coup, ils vont aussi apprendre d'autres métiers. Mais tout va passer par une certaine logique qui est la logique de la religion. Et du coup, même, comme je montre dans le film, même les cours d'histoire, ils vont les apprendre par la logique de la Bible et par la logique du religion. Et du coup, directement, on a des problèmes qu'on fait. Les Palestiniens sont absents du coup de ce contexte dans ces cours. Ils sont complètement absents et même les conflits, il est absent. On voit un enfant par exemple dans le film qui dit mais je sais pas, mais qu'est-ce que ça veut dire conflit en fait? Parce que l'idée c'est d'enfermer complètement dans un discours et d'une logique auto-centrée qui fait partie de la religion et de leur vision de, d'enseigner cette religion, mais où du coup, et l'autre côté, il est complètement, complètement effacé. Dans l'enseignement laïque israélien, ça part, l'histoire, le gros de l'histoire, ça parle de l'Holocauste jusqu'à la création de l'État d'Israël, vous dites, et ça coupe effectivement Israël du reste du monde. Oui, il y a de moins en moins de cours sur l'histoire mondiale. Il y a encore, mais voilà, chaque année, chaque ministère qui change, on coupe encore un tout petit peu de l'histoire mondiale pour ajouter encore un tout petit peu de l'histoire auto-nationale. Donc ça, c'est un problème. Et un deuxième problème, un peu comme dans les écoles religieuses, mais moins, c'est comment est-ce qu'on traite tout ce qui est l'histoire du conflit israélo-palestinien? Quelle image on donne aux Palestiniens? Est-ce qu'on montre aussi un côté humain derrière tout ça? Comment est-ce qu'on traite même la géographie? Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont parfois manquants ou qui sont montrés, mais d'une manière très partielle. Et du côté palestinien, là aussi, il y a des différences entre la Cisjordanie et puis l'enseignement de l'histoire par le Hamas à Gaza. Oui, il y a des différences. Après, en sachant qu'en termes de programme officiel, c'est le même programme, il n'y a pas de différence, et comme en Israël, des différences de programme entre les écoles religieuses ou les écoles laïques. Là-bas, c'est le même programme. Après, bien sûr, qu'une fois qu'il y a une prise de contrôle sur un territoire, il y a aussi des choses qui changent. Et c'est vraiment un gouffre entre les deux visions de l'histoire. Oui, malheureusement, ça fait partie du conflit. À mon avis, cette idée de renforcer ces différences, ces différentes versions. Après, je pense que ce qui pourrait être intéressant, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne parle pas directement de la paix parce que ça a l'air tellement loin, mais je pense que pour avancer à cela, ce sera de juste montrer les deux points de vue, les deux histoires, même s'ils sont contradictoires. Il y avait des essais comme ça, il y a même un livre qui a été créé comme ça, qui s'appelle « Le livre des deux narratifs », où chaque côté montre sa vision, mais malheureusement, ça, pareil, c'est interdit à utiliser dans les classes. Et vous dites, on apprend en voyant votre film, This is My Land, Tamara Erdé, que les professeurs qui utilisent le terme Nakba, c'est-à-dire en arabe la catastrophe, pour signifier le départ des Palestiniens après la création de l'État d'Israël, eh ben, ils doivent soit payer une amende, et très souvent, ils risquent leur place. Oui, tout à fait. Selon la loi israélienne d'aujourd'hui, c'est un terme qui est hors la loi. Donc en fait, les professeurs, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Et pourtant, elle est utilisée, y compris par les professeurs arabes israéliens, par certains. Bien sûr, il est utilisé. Et par exemple, on voit dans le film le professeur Johnny Mansour, qui est un professeur palestinien de 48, donc palestinien israélien. Lui, il dit, il a écrit beaucoup de livres d'histoire, c'est un chercheur d'histoire. Tous ces livres étaient interdits par le ministère parce que ça reste le ministère d'éducation israélien qui doit valider les programmes qui sont enseignés dans les écoles palestiniennes en Israël. Et du coup, lui, tous ces livres ont été interdits justement parce qu'il y a des termes tout simplement comme Nakba, etc. dedans. Et donc, même lui, il n'a pas le droit officiellement d'utiliser ces termes alors que toute sa famille en a souffert, etc. C'est très intéressant, mais on ne peut pas dire que ce soit optimiste alors que vous semblez, avec votre sourire ce matin, Tamara Erdé, dire que c'est un pas vers la compréhension de l'autre, ce film et le fait que les professeurs puissent très souvent, en prenant des risques, avoir le courage de remettre en cause l'histoire officielle, le récit officiel, qu'il soit palestinien ou israélien d'ailleurs. Oui, tout à fait. Moi, je pense, encore une fois, je pense que si on regarde les choses comme elles sont aujourd'hui, on sort pas très optimiste, mais je pense qu'il y a quand même encore des raisons à être optimiste. Je pense que si tout simplement on va enseigner les enfants à douter, à poser des questions, à la place de leur juste donner encore des détails de l'histoire et qu'on veut les mettre dans la tête, on a quand même une raison d'être plus optimiste pour les futures générations. Il sort au cinéma, ce documentaire. Est-ce que ce documentaire a été vu en Israël et en Palestine? Donc, il a été vu plutôt dans des cercles, j'ai envie de dire, des cinémas, donc des cinémathèques ou des festivals de cinéma, etc. Moi, un des buts que j'avais vraiment en le faisant, c'était de l'amener aux écoles, donc tout ce qui est des projections scolaires, professeurs, etc. Ça, donc, du nouveau, il a été pas autorisé par le ministère de l'Éducation du côté israélien. On essaye de l'amener quand même par des projections privées. Et pareil, en Palestine, on essaye quand même de l'amener sur le terrain le mieux qu'on peut. Merci beaucoup, Tamara Erdé. Nous, on se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée au peintre Jérôme Bosch, en compagnie de Frédéric Helsig. Bonne matinée.